partage, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Communication, culture. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, comme d'habitude, plein de bonnes choses et on va donner le coup d'envoi avec Noisy Dinners, un projet italien qui met notamment en vedette Nat Sylvan, chanteur de Unifone, Steve Hackett. L'album a pour titre The Princess of the Allen Keys. Ce sera suivi de Archangel, une nouveauté italienne encore. L'album a pour titre Third Warning. C'est le projet du claviériste Gabriele Manzini, qui est aussi le grand patron de Yubi Mayor et qui a été pendant plusieurs années claviériste pour The Watch. Ce sera suivi de Mir, de l'album, de l'excellent album Playing House. Vraiment un son original et à part. Et ça, c'est norvégien. Et on reste en Norvège avec Kaligonot, projet du guitariste Ole Michael Bjørndal, qui est notamment guitariste de tournée pour Airbag. Son premier disque solo a pour titre Magnify as Giants. Et on y va avec Noisy Diner. made. Sailing at the sea, following your dreams. Try and try again, reaching for the end. I am not to blame for the choice you made. We'll be right back.

into my life, my emperor, my everything. I will show them what you need to be. Open up my eyes, there's no authenticity. I will show me the reality. So I'll know everything. Drain it all out, you'll tear it up. So long, I've seen the people caught in line. The anger that I feel. They will know who I am now. We'll never give you up. They're smearing danger summons us. We'll burn up the lies they feed. Make us forget. Is the void, and though our eyes are empty, they are perfectly clear. Nothing to be done. New ideas are needed by none. And the spirit I held in my chest has been cut down for my emperor's best. Eternity, I'll let it slip. My sense of time, entertainment ordained, I'll be forever changed. Never, he says, he'll stay unstained. We'll be right back. this is my home, but I don't know this place. Shapes are here, but gone is the soul. The doubt that I feel, my emperor, are you real? What hollowness did we embrace? Yes, I know everything now. Faded into a blur and hide away from everyone. Do I dare to take back my shape? And how can I know? Could I just be a silly fool? My neighbors still speak of your greatness. I don't know anything. Also mine. I must reach out from the curtain. I'll find you soon. We'll go beyond the given truth, and accept this burden. We'll be right back. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. On va poursuivre avec un second extrait du projet italien dont je vous ai parlé tantôt, le Noisy Diners, de l'album The Princess of the Island Keys. Donc, un second extrait. Parmi les invités, il y a Nat Sylvan et il y a aussi Cristiano Roverci de Moon Garden et Submarine Silence, suivi par une belle surprise encore. Je suis encore tout heureux et ébahi. Curse Pink de leur nouvel album Presence of Life. Ça faisait quelques années, même plusieurs années, que la formation norvégienne n'avait pas donné de nouvelles. Ce sera suivi d'un une nouveauté italienne par le multi-instrumentiste Simone Cosetto. Ça s'appelle The Weight of the Wind. Et on va conclure en Allemagne avec The Weaver Sands de l'album Stylo Bats Travel. C'est un groupe de Cologne. Mais pour l'instant, on renoue avec Noisy Diner. Listen to me, you two-bit fortune teller, what hides behind the mist? What surprises are in store for us? It makes you think I won't know. Let me see a fortune teller, I suppose. See you now, built to comprehend such a limited intellect must. And yet, I thought you would know at least. Who might you be? Who might you be? Forget it. It's too complicated to get into that. Now you may want to understand our time is up. The future, or even you noted, women have made a man of the world over the years. Of course I have, I'm not blind. Can we do? Not if a man. For whom then? Don't you feel the magic in the air? We'll be right back. fears. Tear down these walls I've built for years. Is there anybody out there? Please light up the path that I've chosen today. Away from shadows. journey blind. They hear my voice, mistook it for noise, and I'm held from my roots. They pass so fast without a path, and I'm lost in the dream. The fruits will drag away the memories from the mind. The storm in my chest reaps feelings from my heart. They come in this land with our glasses of sand, and I'm held from my roots. They're dragging away from the light of the day, and I'm lost in the dream. Yeah! CKRL 89.1. La relâche, c'est le bon moment pour profiter du temps en famille, se reposer et jouer à l'extérieur. Mais pendant la relâche, le virus, lui, ne se relâche pas. C'est pourquoi il faut rester vigilant et éviter tous les rassemblements. De plus, il est important de continuer de suivre les mesures sanitaires de base, comme maintenir une distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Pour ce troisième bloc, on commence avec une nouveauté. En fait, c'est plus qu'une nouveauté, c'est quasiment une primeur parce que le disque sort le 26 mars. Il s'agit de la guitariste new-yorkaise Jane Getter. Son projet a pour nom Premonition, donc le Jane Getter Premonition. Et l'album a pour titre Anomalia et on y retrouve entre autres le batteur Chad Wackerman. Ce sera le 6e album de cette guitariste. Après ça, on va faire un tour du côté de la France avec Thesis de l'album The Awakening. Après, l'Angleterre, Circus 5 de l'album éponyme Circus 5. Et puis après, on passe avec le guitariste Carl Verheyen, un guitariste américain qui s'est joint à Supertramp dans les années 90 et a contribué aux 2 derniers albums du groupe. Et puis ben là, il nous propose un disque solo qui a pour titre Sundial. Et on y va avec cette merveilleuse nouveauté. Jane Getter Premonition. Still here. Oh.

take another look. It's never what it seems. Light years out, there's no the scene. Albert was too fine. With a pencil and his vine. To collide.

The door cracked in pieces, stiff fingers freezing as the brass band was playing. Red flags were swaying. Later in the afternoon, we were gathered at the canteen. We had our first ice cream since those glory days of Christmas. It was now a tight old paper mill, where all who we knew were workers. Here we were born and raised to follow in their footsteps. Oh, oh. Oh, thinking of this, yes. You just can't see. You just can see how it needs to make every day special. Each and every one. Every single thing, the risk that ain't my destiny. The destiny of an emotion. I constantly searching for colors and beautiful stories. I wish you could sign. La soirée, ben, je vous propose un album paru en 2004, cette fois-ci, du claviériste Nick Magnus, un musicien qui a longtemps fait partie du groupe de Steve Hackett. D'ailleurs, Steve Hackett a contribué à cet album qui a pour titre Hexameron. Et ma foi, je vous dirais qu'on y retrouve un des meilleurs solos de Steve Hackett, à mon humble avis. Et cet album était le troisième disque pour ce musicien qui a aussi fait partie de The Aeneid. C'est déjà le temps de vous laisser, donc je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants. Et puis, ben, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terrain Incognita. Sur ce, revenez-nous la semaine prochaine et bonne nuit à notre écoute. Right now, stars are aligning. Right. Sister, brother, son. Cette émission est disponible en balado-diffusion. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Je m'intéresse beaucoup au système d'interaction qui se crée entre les installations que je mets en espace puis l'architecture des lieux de diffusion. L'artiste en art visuel Annie Charland-Thibaudeau transforme la pierre pour mieux raconter le territoire. Je pense qu'on cherche tous à créer des espaces ou appartenir à des espaces, puis ça se traduit toujours d'une façon qui est différente d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ça s'affranchit beaucoup par la rencontre. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Célébrer la Saint-Patrick en compagnie du trio de Craig Session et de la brasserie artisanale La Korrigane. Du 12 au 14 mars, dégustez un menu pour deux personnes concocté spécialement pour l'occasion en regardant le spectacle virtuel de Craig Session pour seulement $50. Réservé avant le 10 mars via la page Facebook de Zita Bombardier ou sur zitabombardiertouret.com. Faites vite, les quantités sont limitées. Vibrez au rythme de Mondo Carnaval, un voyage virtuel avec des spectacles gratuits de musique du monde. De mars à août, découvrez les Vendredis Mondo, les rendez-vous artistiques de la diversité culturelle. Près de 100 artistes d'ici et d'ailleurs seront au cœur de cette programmation haute en couleurs qui rendra hommage à la solidarité humaine et à la fraternité entre les cultures du monde. Toute la programmation sur mondocarnaval.com. Depuis que je suis en télétravail, je m'ennuie. Je m'ennuie du présentiel avec mes collègues. Jérôme qui m'enchouille mes stylos. Sylvie avec sa petite voix gossante qui crie « Vendredi! » Mon boss qui me fait des complimardes. Les verres en carton de la machine à eau me manquent. Mon cubicule me manque. Le trafic me manque. Puis ça fait des mois que j'ai pas reçu de cadeau de mon ami secret. Votre meilleur ami secret, c'est vous. Offrez-vous des billets pour MeetInc. MeetInc, du 16 au 27 mars. Une présentation de Premier Acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et Omri. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. MeetInc, c'est plus qu'un spectacle, c'est une opportunité. CKRL, communication, culture. Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.